Ah, t'es gâté là. Bien sûr, pas gâté. Bien constaté, t'es gâté là. Bien sûr, les gars. Bien sûr, les gars.